L'ancien hôpital d'Évreux, prochainement démoli pour créer un nouveau quartier de 1000 habitants avec 70 logements, quartier autour d'un parc de plus d'un hectare et avec un nouveau groupe scolaire à proximité. Le chantier de déconstruction va durer un peu plus d'un an, mais la démolition ne se fera pas avant le printemps prochain. Depuis le déménagement du centre hospitalier en 2010, le site est resté en friche. Retour sur les manifestations d'hier contre la politique du gouvernement. Plus d'une dizaine de mobilisations en Normandie, un millier de personnes à Évreux par exemple, entre 3000 et 4000 à Rouen. Personnel des hôpitaux, des EHPAD, fonctionnaires, enseignants ou encore retraités ont formé les cortèges. La journée commençait plus tôt par la mobilisation des dockers sur les quais rive droite. Dans ces infos aussi, focus sur un tout nouveau lieu dédié au sport et au divertissement à Rouen. Un bar ouvert la semaine dernière sur les quais à la place du restaurant Le Marégraphe. Le Novix, c'est un complexe de plus de 1500 mètres carrés. Visite guidée avec Elodie Alcouf-Kenel. Des raquettes sur les luminaires, ballons, battes de baseball, planches de surf, de skate ou encore des vélos accrochés au mur. Dans ce lieu, c'est la déco qui frappe avant tout. Alors là, on est face à un mur avec des partenaires qui sont des clubs sportifs rouennais et même en dehors de la ville de Rouen. Stéphane est le gérant du Novix. Vous avez Normandie, Rouen Rugby, vous avez Wassel Métropole Handball, vous avez les Dragons, vous avez Husky, vous avez le Stade Sottevillers, vous avez le ring olympique d'Yépois et la lutte aussi. Et juste en face, un ring de boxe sur lequel sont posées des tables. Ce ring de boxe, c'est un vrai ring qui est un 6x6 professionnel et on va organiser régulièrement des combats de boxe thaï, américaine, anglaise, catch, lutte et autres. Combats que l'on peut suivre depuis de vraies tribunes, mais aussi les plus grands événements sportifs et les rencontres des clubs locaux. Mathilde découvre le complexe pour la première fois. Ça sort de l'ordinaire. C'est vrai que ça peut donner envie de venir découvrir des nouveaux sports. Et rendre plus accessible le sport aux jeunes, c'est d'ailleurs un des objectifs. Une partie du chiffre d'affaires servira à financer des licences dans des clubs. Et pourquoi pas y suivre ce soir le hockey sur glace. Les Dragons de Rouen accueillent l'équipe de Nuremberg dans le cadre de la Champions League. On termine par mot de météo, plein soleil encore cet après-midi. Profitez-en surtout, les nuages arrivent en fin de journée. Ils donneront de la pluie et même des risques d'orage dans l'est de l'heure. Au thermomètre, 24 degrés à Bernay et au Neubourg, 24 aussi dans l'Aglo Rouennaise. On aura 25 à Évreux et à Vernon. La pause déj en solo, c'est bien, mais avec les collègues au boulot, c'est mieux. Inscrivez-vous et jouez avec vos collègues. Joignez-nous maintenant au 02 32 23 53 96. Cristal. La pause déj. Le mercredi, c'est là où vos enfants prennent un peu votre place, à vous les adultes, les parents, puisqu'ils jouent à la pause déj. S'ils ont entre 8 et 14 ans, qui sont plutôt calés en maths, en histoire, en YouTube, en musique aussi, vous les inscrivez au 02 32 23 53 96. Notre première candidate s'appelle Marine, bonjour. Bonjour. Tu as quel âge, Marine ? 10 ans. 10 ans, et tu es en quelle classe ? CM2. À l'année prochaine, c'est le collège. Oui. Ça rigole plus, hein? Oui. Ça va, t'as hâte ou t'as un petit peu peur d'aller au collège? J'ai hâte. Ah, t'as hâte. J'ai hâte parce que c'est bien. C'est bien. Tu as plusieurs professeurs? Oui. C'est pour ça? Non. Non, pas forcément? En fait, moi, au primaire, j'ai qu'un professeur. D'accord. Et là, au collège, t'en auras plusieurs, du coup. Un pour chaque matière. Oui. Bon, faut bien s'entendre avec tous les profs. Peut-être oui. Moins de chance de ce côté-là. En tout cas, tu es une grande fan d'Emma Watson, il paraît. Oui. Oui, pas plus que ça, non? T'aimes bien Harry Potter, quoi? Oui, mais c'est plus ma sœur qui aime. Ah, d'accord, ok. Alors Marine, tu connais la pause déj, tu l'écoutes à la maison. Oui. Aujourd'hui, c'est à ton tour de jouer. Je te pose des questions pendant une minute. Tu dois faire le plus de bonnes réponses. Est-ce que tu es prête? Oui. Pas trop stressée, ça va? Non. Non, allez, on y va, Marine. 3, 2, 1. Quel artiste reconnais-tu dans cet extrait? Que faire de l'énergie que je perds. Si tu sais pas, tu peux passer. Christian and the Queen. Cite un objet commençant par un B et qu'on peut trouver dans une salle de bain. Baignoire. Conjugue le verbe descendre à la deuxième personne du singulier de l'imparfait. Je descendais. Dans quel club de foot évolue Neymar? Je sais pas. Quel animal est le roi de la basse-cour? Le coq. Quelle est la capitale de l'Allemagne? Berlin. Quelle couleur obtient-on en mélangeant du jaune et du bleu? Vert. Cite un adverbe n'importe lequel. Je passe. Quel est le plat préféré d'Obélix? Les sangliers. Oui, oui, c'est ça, en effet, c'était bien le sanglier, même rôti. Le plat préféré d'Obélix. Je te demandais de citer un adverbe, n'importe lequel. Alors, je sais que t'es pas à l'école et t'as peut-être pas envie d'entendre de parler de tout ça. Mais un adverbe, ça pouvait être lentement, machinalement, facilement. En gros, tous les mots qui se terminent par « ment ». Ok. L'animal qu'est le roi de la basse-cour, en effet, c'est bien le coq. La capitale de l'Allemagne, tu l'as eu aussi, c'est Berlin. En effet, bon, tu vois, t'as déjà plusieurs bonnes réponses. Ok. On va voir ton score total dans un instant, juste après les trois cafés gourmands. Voici nos souvenirs. Ce petit bout de terre où vit encore mon père. Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin. Et on a du chagrin, on se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier chabot. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Papaya, papaya, papa. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. On adore les trois cafés gourmands, c'était nos souvenirs sur Cristal. Nous sommes avec notre première candidate, elle s'appelle Marine, elle a 10 ans. Marine. Oui. Tu habites où? À Hâcon. À Hâcon, c'est ça? Oui. D'accord. À côté de Tiguerre. Ok. Alors, il fallait reconnaître en effet, dans cet extrait... Que faire de l'énergie? La chanteuse Christine and the Queens. Je te demandais de citer un objet qui commence par un B qu'on peut retrouver dans une salle de bain. Tu as dit une baignoire. Il y avait aussi une brosse à dents. Ça marchait. Oui. Bon, le français, décidément, c'est pas vraiment ton truc pour le moment. Pas trop. Conjugue le verbe descendre à la deuxième personne du singulier de l'imparfait. Tu l'avais presque. Tu as dit je descendais, mais je te demandais la deuxième personne du singulier, alors c'était tu descendais. Dans quel club de foot évolue Neymar ? C'est le PSG. Ah. L'animal qu'est le roi de la basse-cour ? En effet, le coq, on a vu ça tout à l'heure. Si on mélange du jaune et du bleu, ça donne du vert. Et le plat préféré d'Omélix, c'est donc le sanglier rôti. Marine, tu démarres très très bien cette pause-déj. Tu as fait 6 points. Oui. C'est un excellent score. Alors attention, rien n'est joué encore pour toi puisqu'il reste encore 2 candidats à passer. S'ils te battent, s'ils font 7 bonnes réponses minimum, c'est eux qui vont remporter la trottinette électrique. Si tu n'es pas battu, s'ils égalisent ou ils font de moins de 6 bonnes réponses, c'est toi qui remporteras cette fameuse trottinette. Ok. Tu restes bien à l'écoute de Cristal, d'accord ? Tout au long de ce midi. Je te souhaite un bon appétit et un très bon mercredi, Marine. Merci. Je te fais de gros bisous. Si vos enfants ont envie de jouer, vous les enfants directement, je peux vous parler à vous. Hein, vous avez des oreilles, vous aussi. 02 32 23 53 96, c'est le numéro à taper sur votre petit téléphone là pour vous inscrire aujourd'hui. Si vous pensez battre Marine à la pause déj et faire au moins 7 bonnes réponses, c'est le moment de nous appeler. Have a break in London. Cette semaine, on vous envoie visiter la plus British des capitales européennes. Un séjour par jour à gagner avec Londres by Brittany Ferries. Rendez-vous sur maradiocristal.com. Chaque jour, Evan, notre blogueur, dévoile une nouvelle vidéo. Identifiez le quartier de Londres où il se trouve. Si vous êtes tiré au sort, vous serez rappelé en direct par Florian entre 16h et 20h. Et là, à vous le séjour City Break in London. Jeu en partenariat avec Londres by Brittany Ferries. Vous changez bien ma voix, hein. Parce que sinon, c'est la honte. Hein. Ouais, alors ouais, la reprise Argus plus 4 300 € sur l'Opel Corsa, avec climatisation, régulateur de vitesse. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, ben voyons, comme ça là, ben voyons, là, avec ce petit ton là, et ben, l'offre elle est passée. Et depuis, ben, j'ai perdu toute forme de respect vis-à-vis de moi-même. Ben, je me déteste. Jusqu'au 20 octobre, pendant les German Days journée allemande, les reprises ont de l'allure chez Opel. Bénéficiez d'une reprise Argus plus 4 300 € pour l'achat d'une Opel Corsa. Offre réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. Porte ouverte ce week-end. Leclerc. Allô Régis, écoute, en ce moment, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, 70% de tickets Leclerc sur les couches Pampers Baby Dry. Papa, c'est Juliette là. Je ne veux pas le savoir. 70% de tickets Leclerc, Régis. Papa. Du 2 au 13 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Les Pampers Baby Dry en maxi-pack, taille au choix, sont à 29,64€. Avec en plus 70% ticket Leclerc. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Quand on ouvre un ballotin Léonidas, on trouve des chocolats, des chocolats, des chocolats, mais aussi des... Oh, une truffe caramel. Et des... Et celle-ci, truffe double lait, waouh. Et des... Oh là là là là, des truffes pralinées aux amandes. Savourez les 3 nouvelles truffes Léonidas en édition limitée. Oh, c'est bon. Truffées et approuvées. Cette semaine, dans votre boutique Léonidas, à l'achat de 20€ de chocolat, vous recevez gratuitement un ballotin sélection maître chocolatier. Léonidas, la boîte à bonheur. Pour votre santé, évitez de grignoter. Tagliatelle al dente cherche viande d'une grande finesse avec qui nouer la plus tendre des relations. Justement chez Grand Frais, les escalopes de veau sont à 16,99€ le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 13 octobre, noix ou sous-noix à griller, origine France. Magasin participant sur grandfrais.com. La bonne idée bute pour un sommeil de qualité, c'est jusqu'à moins 50% sur une sélection de literies. Vous allez me dire c'est fou. Oui c'est fou, mais c'est normal, normalement fou. La literie en folie, c'est en ce moment chez But. Jusqu'à moins 50% sur une sélection de literie. Oui, jusqu'à moins 50%. But, des prix et des idées tous les jours. Voir produits concernés en magasin et sur but.fr. Cet automne, c'est le dernier moment pour profiter du forfait 40 gigas à 10€ par mois chez Red by SFR. Ah ouais ? Bah ouais, tu sais l'automne, et bah c'est un peu comme l'été. Sauf qu'il fait deux fois plus froid, que t'es deux fois plus couvert et que tu te lèves deux fois plus tôt. Ah ! Mais tout a doublé ou quoi ? Ouais, mais pas chez Red. Le forfait 40 gigas, c'est 10€ par mois, sans prix qui double au bout d'un an, sans engagement, et c'est seulement jusqu'au 15 octobre. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Rendez-vous vite sur redbysfr.fr. Le forfait 40 gigas, c'est 10€ par mois. Uniquement en France métropolitaine jusqu'au 15 octobre 2018 pour tous nos clients. Bonjour. On m'a dit de vous dire que manger bio, oh, c'est vachement bon. Mais aussi, malin pour la planète. Voilà, comme ça, vous avez tout bon. Avec les produits laitiers bio, c'est bon d'être plus responsable. Vous encouragez le respect de l'environnement et tout est certifié. Lait, yaourt, fromage, beurre, crème. Les produits laitiers, c'est tellement bio. Pour votre santé, bougez plus. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les courses d'Anaïs qui changent, avec le nouveau programme de fidélité Auchan. Anaïs, pour te remercier de ta fidélité, Auchan en fait moins pour toi. Moins 10% sur la parapharmacie, les produits bio Auchan et les aliments bébés crédités sur ton compte Waouh. Moins 5% sur une sélection de produits alimentaires et animaleries Auchan. Et même jusqu'à moins 50% sur les produits signalés. Auchan. Montant crédité sur votre compte Waouh, voire modalité des offres et d'obtention de la carte en magasin et sur Auchan.fr. Cristal, la première hit radio en Normandie. Du temps, on attend, on se dit pas maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tourments. On se laisse porter par le vent. On sait jamais dans quel sens. Si la route est longue, la vue en vaut la distance. Si on rêvait plus fort. S'arrêter un instant, enlever le gris des couleurs, des sentiments. Envie de parcourir la terre, à l'endroit puis à l'envers. Toucher du bout des doigts nos rêves tant qu'on peut le faire. Si on rêvait plus tard. La pause déj. Vous êtes dans la pause déj spéciale enfant ce mercredi midi, midi 19. Bon appétit si vous vous mettez à table ou si vous êtes en voiture en ce moment, direction la pause déjeuner. Il faut battre aujourd'hui Marine Dacon. Elle a fait donc 6 points et c'est au tour de Valentin de Lisieux de jouer. Bonjour Valentin. Bonjour. Tu habites à Lisieux, toi? Oui. D'accord, tu vas dans quel collège? À Michelet. Tu as 12 ans, hein, c'est ça? Tu es donc en 6e, en 5e? En 5e. Ça va, ça se passe bien les cours? Oui. Les profs sont sympas? Oui, ça va. T'as pas trop de mots dans ton carnet? Non, j'en ai pas. Non, t'en as pas du tout? T'es un élève exemplaire, c'est ça? Oui. C'est quoi ta moyenne, là, pour le moment? 18, un truc comme ça. 18 de moyenne? Mais ça veut dire que tu vas cartonner aujourd'hui dans la pause déj. Il dit peut-être. Rien. Peut-être. Je laisse un peu de mystère. Alors, Valentin, tu es un grand fan de foot aussi. Tu joues au foot dans un club à Saint-Désir, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Bon, tu marques pas mal de buts aussi, je suppose. Oui, ça va. D'accord. Alors, on y va pour une minute de questions. Il faut battre Marine. Il faut que tu fasses 7 points minimum pour peut-être remporter ta trottinette électrique. Es-tu prêt? Oui. On y va, 3, 2, 1. Quel artiste reconnais-tu alors dans cet extrait? Je vais te donner du temps en plus supplémentaire. Hop là, on y va. Tu l'as pas? Non. On passe du coup. Quel animal crache quand il n'est pas content? Un lama. Comment Blanche-Neige s'est-elle empoisonnée? Avec une pomme. À quelle occasion les enfants se déguisent-ils pour aller réclamer des bonbons dans la rue? À Halloween. Vrai ou faux? Cette année, Noël tombera un vendredi 13. Faux. Quel réseau social commence par un I et se termine par un M, comme maman? Passe. Quel acteur tient le rôle principal du film Pirates des Caraïbes? Je sais pas. Cite un poisson d'eau douce, autre que la truite. Le saumon. Cite... Alors, tu as dit quoi? Le saumon. Le saumon, d'accord. Je te donne une autre question, puisque j'ai eu un petit souci technique en tout début de questionnaire. Cite un youtubeur célèbre, n'importe lequel. Squeezie. Oui, c'était donné, hein, cette dernière question, d'ailleurs. Est-ce qu'elle va te faire remporter la pause déj aujourd'hui, cette dernière question? Tu m'as dit Squeezie. Oui, il y avait aussi Norman, il y avait encore Cyprien. L'animal qui crache quand il n'est pas content, c'est le lama, en effet. Blanche-Neige s'est empoisonnée en croquant dans une pomme empoisonnée. Bonne réponse encore une fois. Vrai ou faux, cette année, Noël tombera un vendredi 13. Tu ne t'es pas fait piéger, en effet. Noël, ça tombe quand cette année? Je ne sais pas, mais c'est le 25. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Ça tombe un mercredi 25 cette année. L'acteur qui tient le rôle principal du film Pirates des Caraïbes, tu as déjà vu les Pirates des Caraïbes ou pas? Oui, mais je ne m'en souviens plus. C'est Johnny Depp. Ça ne te dit rien, sûrement. Non. Ça ne t'intéresse pas. D'accord, je comprends, parce que t'es pas une fille. Nous, les filles, même moi, à ton âge, 12 ans, je savais qui était Johnny Depp. Alors, Valentin, tu restes avec nous? Oui. On va écouter Rag & Bone Man tout de suite et on va voir si tu as battu aujourd'hui Marine Dacon, si tu as fait 7 points. À tout de suite. Just like the river, I'll come back again. Oh, your fear keeps me right here. You'll be the arrow, the arrow. To feel the same, but you gave me not. I'm here again, the sky is crying above, above. If you told me then what I know now, I'd be long gone, but I'm here somehow. Can you hear the sound? The sky fell down on us. Don't you need this no more? Are you strong? Avec Valentin du côté de Lisieux, il a 12 ans, il a répondu aux questions de la pause déj. Aujourd'hui, il tente de battre Marine, celle qui détient le score de 6 points aujourd'hui. Valentin, est-ce que tu en as fait 7 ? Je ne sais ton pas. Avis ? Non, tu ne sais pas du tout. Alors, le chanteur qu'il fallait reconnaître dans cet extrait... On le passe très souvent ici sur Cristal, c'était Shawn Mendes. À quelle occasion les enfants se déguisent-ils pour réclamer des bonbons dans la rue ? C'est en effet Halloween. Tu vas fêter Halloween, toi, cette année ou pas ? Non. Non, c'est fini Halloween, hein ? J'ai l'impression que ça se perd. Plus personne ne le fête, ça. C'est dommage, c'était bien. Vrai ou faux, donc cette année, Noël ne tombera bien sûr pas un vendredi 13. Hein. Le réseau social qui commence par un I et qui se termine par un M, comme maman, c'est Instagram. Oui. Tu connais ? Oui. T'as Instagram, toi, ou pas ? Non. Non. T'as Snapchat, je suis sûre, par contre. Non. Non, même pas. T'as un téléphone, au moins ? Ah, t'as pas de téléphone. Et c'est rare, hein, j'ai envie de te dire, à 12 ans, puisque maintenant, j'ai même eu des candidats qui avaient moins de 10 ans, moins de 12 ans même, qui avaient déjà un téléphone. Je suis sûre que c'est ce que t'as réclamé pour Noël, cette année. Non. Ah non, même pas, d'accord. Ok, pourquoi pas. Le réseau social, donc, c'était Instagram. Quel acteur tient le rôle principal du film Pirates des Caraïbes ? C'est Johnny Depp. Je te demandais de citer un poisson d'eau douce autre que la truite, tu as dit le saumon. Bonne réponse. Dans le titre du roman d'Alexandre Dumas, combien y avait-il de mousquetaires ? Je ne t'ai pas posé cette question, donc je vais devoir la barrer. Quel animal crache quand il n'est pas content ? C'était le lama. Valentin, fallait faire 7 points aujourd'hui pour battre Marine. Malheureusement, tu as égalisé aujourd'hui, tu as fait 6 points. J'imagine ta déception. T'as déjà été sur une trottinette électrique ou pas ? Oui, une seule fois. T'as déjà essayé, ouais. Bon, tu préfères avoir une trottinette électrique ou un téléphone à Noël ? Ah, tu sais pas là, hein ? Non. Bon, écoute, Valentin, tu rejoueras pour une prochaine fois, d'accord ? Il n'y a pas de souci, tu peux rejouer quand tu veux dans la pause déj. D'accord. Ok. Merci d'avoir joué avec nous. Je te fais des gros bisous et puis passe un bon mercredi. Merci. Merci, au revoir Valentin. Au revoir. Calvin Harris, c'est ce qui arrive dans un instant pour la suite de vos hits. Et en attendant, vous pouvez vous inscrire vous aussi. Si vous pensez battre Marine Dacon, elle a fait 6 points. Il faut en faire 7 pour gagner une trottinette électrique pour enfants. Ça va quand même jusqu'à 15 km/h. Hein. C'est sympa pour aller à l'école, pour faire des petites balades ou juste devant la maison aussi, de temps en temps, le dimanche après-midi. 02 32 23 53 96 pour jouer à la pause déj. Les infos sont présentées par Julie Desbois. Bonjour Julie. Bonjour à tous. On commence par un mot de météo. Plein soleil cet après-midi. Profitez-en. Les nuages arrivent en fin de journée. Ils donneront de la pluie et même des risques d'orage dans l'est de l'heure. Au thermomètre, 24 degrés attendus à Beauménil et au Neubourg. 24 également dans l'agglo rouennaise. 25 à Évreux et à Vernon. L'ancien hôpital d'Évreux, prochainement démoli pour créer un tout nouveau quartier de 1000 habitants avec 70 logements. Quartier autour d'un parc de plus d'un hectare et avec un nouveau groupe scolaire à proximité. Le chantier de déconstruction va durer un peu plus d'un an, mais la démolition ne se fera pas avant le printemps prochain. Depuis le déménagement du centre hospitalier en 2010, le site était resté en friche. Des milliers de manifestants dans les rues normandes hier pour le premier rendez-vous de la rentrée contre la politique sociale du gouvernement. Un millier de personnes auprès du Bel et Bas à Évreux. À Rouen, ils étaient plus de 3000 pour la police, au moins 4000 selon les syndicats. Journée commencée plus tôt à Rouen par la mobilisation des dockers sur les quais rive droite. Et pendant ce temps, on attend attendait le remaniement. Il faudra encore patienter jusqu'à vendredi, a annoncé l'Élysée ce matin. Ce sera au retour du déplacement d'Emmanuel Macron en Arménie. Remaniement qui intervient, je vous le rappelle, après le départ la semaine dernière de Gérard Collomb, ministère de l'Intérieur. Si vous êtes adepte des UV, le centre de bronzage dans le viseur de l'Agence de sécurité sanitaire, elle demande l'arrêt de ses cabines UV en raison d'un risque de cancer avéré. 43% des mélanomes chez les jeunes sont attribués à une utilisation de ces cabines. À l'agenda sport de ce soir, du hockey sur glace dans le cadre de la Champions League, les Dragons de Rouen accueillent Nuremberg. Une victoire dans le temps réglementaire offrirait la possibilité de disputer la qualif face à ce même adversaire mardi prochain en Allemagne. Et puis la victoire des basketteurs hébreuxiens hier soir sur le parquet de Caen dans le dernier match de poule de la Leaders Cup, 76-69. Chez Renault, la French Touch Renault fait son palmarès. Meilleur costume, Twingo et sa palette de couleurs. Meilleure actrice, Twingo pour son rayon de braquage record et ses 5 portes. Enfin, prix du meilleur prix, Twingo Limited à partir de 99€ par mois avec EasyPack, entretien et garantie inclus pendant 4 ans. Portes ouvertes du 11 au 15 octobre. French Touch touche française. Pour Twingo Limited SE 70, à l'aide des 49 mois avec un premier loyer de 1500€ jusqu'au 31 octobre, si accordiaque. Voir Renault.fr. Let me take the night, I love real easy, and I know that. Calvin Harris et Dua Lipa, c'était One Kiss. Cristal. La pause déj. Il faut battre pour remporter sa trottinette électrique aujourd'hui. Marine, elle a fait 6 points. Et c'est Nassim du côté de Breteuil-sur-Iton dans l'heure qui va jouer et qui va essayer de faire 7 points. Bonjour Nassim. Bonjour. Tu as 10 ans, tu es en CM2, tout comme Marine. Ça te laisse toutes les chances de la battre aujourd'hui. Et toi, tu es un grand fan de foot, il paraît. Oui. Tu soutiens quel club ? Bah, le PSG. Ah, c'est évident. Bah oui, le PSG. Alors, c'est qui ton joueur préféré ? Mbappé. Pourquoi c'est Mbappé, ton joueur préféré ? Parce qu'il court vite et j'aime bien. Et oui, il court vite, il est gentil en plus de ça. Et en plus, il a marqué plein de buts hein, pendant la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Alors, Nassim, tu es avec ton papa en ce moment dans la voiture. Vous faites quoi ? Bah, on rentre à la maison. Vous allez manger, c'est ça ? Oui. T'as faim ? Bah, oui, un peu. Est-ce que t'as eu école ce matin, toi ? Non, il n'y a plus école le mercredi. Il n'y a plus école le mercredi pour toi. Et tu préfères quand il n'y a plus école le mercredi ou quand il y a école le mercredi ? Quand il n'y a plus école. Tu m'étonnes. Bon, Nassim, on joue une minute de questions. Tu dois faire 7 points aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Je rappelle qu'il ne faut pas que ton père t'aide. Sinon, j'entends dans mon casque et je ne peux pas compter cette réponse en bonne réponse. Ok ? Ok. On y va. 3, 2, 1. 1. Quel artiste reconnais-tu dans cet extrait ? Justin Bieber. Donne-moi à 3 ans près l'âge d'Omar Sy. 44. Que faut-il faire très régulièrement pour éviter d'attraper la gastro ? Se laver les mains. La mère de Toto a 3 enfants, Riri, Fifi et... Loulou. Comment s'appelle le plus haut sommet montagneux en France ? Le Mont Blanc. Comment appelle-t-on un musicien qui joue du saxophone ? Pas. Quel pays a Moscou pour capitale ? Pas. Quels sont les deux principaux ingrédients de la recette du pain ? La farine. Comment dit-on mieux en anglais ? Combien de joueurs y a-t-il sur le terrain lors d'un match de foot ? T'aurais pu l'avoir cette réponse. Combien de joueurs y a-t-il au total sur le terrain lors d'un match de foot ? Alors il y a bien 11 joueurs dans une équipe, mais il y a bien deux équipes qui s'affrontent. Donc faut faire 2 fois 11, ça faisait 22 joueurs sur un terrain de foot pendant un match. Je ne peux pas te donner cette réponse en tout cas. Quel pays a Moscou pour la capitale ? C'était la Russie. Un musicien qui joue du saxophone ? C'est un saxophoniste, tout simplement. Sinon, ça démarre plutôt bien puisque tu as retrouvé en effet Justin Bieber. Non. T'aimes bien Justin Bieber ? Non. D'accord. Au moins, la vérité sort de la bouche des enfants, hein, c'est ce qu'on dit. Au moins, c'est clair et c'est net. Hein, j'espère qu'ils ne nous écoutent pas. Donne-moi 3 ans près l'âge d'Omar Sy. Alors, Omar Sy, tu vois qui c'est à peu près ? C'est un acteur ? Oui, il a fait le film Chocolat. Alors, Chocolat, non, mais je vois ce que... Ah si, Chocolat, si, si, attends, ça me dit quelque chose. Si, si, c'est bien ça, c'est bien ça. En effet, j'allais te dire non. Il fait aussi Intouchable. Je ne sais pas si tu as vu ce film. Alors, il n'a pas 44 ans, Omar Sy, il a 40 ans. Bon, on va voir si tu as fait 7 points aujourd'hui, Nassim. Tu restes avec nous, d'accord ? Oui. On écoute tout de suite Imagine Dragons. Voici Natural sur Cristal dans la pause déj. Bienvenue. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine. Stand strong. That's the price you pay. what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out, a world without the peace, face a bit of the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head, won't break it. I can taste it, the end is upon us, I swear. Mercredi, sur Cristal, vos enfants jouent à la pause déj pour emporter de nombreux cadeaux. Aujourd'hui, on vous offre une trottinette électrique et nous sommes avec Nassim de Breteuil-sur-Iton. Nassim, tu es toujours là ou pas? Oui. Alors, il fallait que tu fasses 7 points pour battre Marine Dacon, qui était aussi en CM2 qu'à ton âge. Alors, que faut-il faire très régulièrement pour éviter d'attraper la gastro? J'espère que tu le fais toi aussi. C'est se laver les mains. Oui. En effet, donc c'était une bonne réponse. Il y avait un petit piège dans cette question, écoute bien. La mère de Toto a 3 enfants, Riri, Fifi, et on est tenté de dire Loulou en effet. Mais c'était Toto? Oui. Comment s'appelle le plus haut sommet montagneux en France? C'était bien le Mont Blanc. Les deux principaux ingrédients de la recette du pain, tu as trouvé la farine, mais il fallait trouver l'autre ingrédient. Il fallait trouver de l'eau. Oui. Comment dit-on mieux en anglais? On dit better. Avec mon accent anglais. Qu'il ne faut pas copier, bien sûr. Combien de joueurs y a-t-il sur un terrain de foot lors d'un match? C'était donc 22. On a vu ça tous les deux. Oui. Nassim, de Breteuil-sur-Iton. Aujourd'hui, tu n'as pas fait le score attendu. Tu as quand même fait 3 points, hein, ce qui est un score très honorable pour toi aujourd'hui, Nassim. Mais il faudra donc rejouer à la pause déj. D'accord? Oui. T'es pas trop déçu? Je sais que t'es un petit peu déçu, bien sûr, mais tu rejoueras, bien sûr. Oui. Ok. Bon, tu fais un bisou à toute ta famille. Je te souhaite bon appétit. D'accord? Merci. Eh bien, je t'attends hein, bientôt hein, sur l'antenne de Cristal, d'accord? Oui. Ou tu feras jouer ton papa aussi, hein, n'hésite pas. D'accord? Gros bisous Nassim, on dit bravo bien sûr à notre gagnante du jour. Bravo Marine. Marine, tu remportes aujourd'hui une trottinette électrique. Oui. Qu'on va t'envoyer très très bientôt à la maison. Tu vas pouvoir essayer, je sais pas, dans le jardin, pour aller à l'école, devant la maison, en faisant attention bien sûr. Marine. Oui. Je te fais de gros bisous, félicitations encore, t'as gagné dans la pause déj. Merci. Tu pourras Je voudrais dire bonjour à ma sœur et mon frère. Ils s'appellent comment? Antoine et Emma. Antoine et Emma. D'accord. Et ben on leur fait un gros bisou. Ils nous écoutent en ce moment, c'est ça? Oui. Ils sont dans le bus. Ah, ils sont dans le bus. Et ben un gros bisou à Antoine et Emma qui sont dans le bus. Votre maîtresse de l'école. D'accord. Et bien votre. Qui vous écoute aussi. Et ben bonjour.

We all know.

vider la tête pour oublier. Tant qu'on passe à pleurer sans mon sel dans nos valises, c'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête. Se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, oh, pour oublier. Pour oublier. Oui, pour oublier. Pour oublier. Y'a plus ni futur ni passé. Y'a plus ni futur. Écoutez Cristal avec Aurélie. Avant la tempête, le beau temps. Profitez d'une météo lumineuse en ce début d'après-midi avec de la douceur. 24 degrés en moyenne au compteur sur l'est de la région, mais ça va se gâter en début de soirée avec l'arrivée d'averses orageuses. Demain, le temps sera encore mitigé avec des éclaircies avant la mi-journée et le retour de la pluie dans l'après-midi. Prévoyez vos parapluies et vos gilets. Pas plus de 20 degrés sur le Pays Conche, 21 à Louviers et 22 du côté de Beauce et Canteleu. Voici Dimitri pour la minute pour l'emploi sur Cristal. Cristal, la minute emploi. Avec Christelle de Kangourou Kids à Rouen. Salut Christelle. Bonjour Dimitri. Alors, parle-nous des offres d'emploi. Alors, Kangourou Kids recrute une garde d'enfants à domicile sur Biorel avec de l'expérience dans la garde d'enfants, mais également dans l'aide aux devoirs. Et on recrute également sur Bois-Guillaume avec un diplôme lié à la petite enfance pour garder de jumeaux de 1 an et demi. Ce sont des postes à pourvoir très rapidement ? Ah oui, oui, dès que possible. Il faut avoir un minimum d'expérience, hein ? Alors, pour le premier, il faut de l'expérience. Pour le deuxième, il faut obligatoirement un diplôme lié à la petite enfance, comme le CAP Petite Enfance, par exemple. Évidemment, et de la motivation, etc., etc. Bien sûr. Tout ce qu'il faut. Très bien, Christelle, c'est tout pour les offres ? Oui, oui, oui. Si jamais on a besoin de plus de précisions, on se rapproche de Kangourou Kids à Rouen. Tu peux nous donner un numéro de téléphone ? Bien sûr, au 02 78 77 56 22 ou par email à contact.rouen.76@kangourou-kids.fr. Merci Christelle, bonne journée. Merci Dimitri, au revoir. La Minute Emploi à retrouver en podcast sur maradiocristal.com. Et si vous preniez rendez-vous avec Renault Zoé ? Samedi dernier, on avait encore 1000 choses à faire. Les courses, bien sûr, mais aussi la compétition de judo du grand, l'orthophoniste, les cours de piano. Et ben après tout ça, on était loin d'avoir épuisé la batterie. Et oui, avec Renault Zoé, on peut faire jusqu'à 300 km sans recharger. Et puis, il faut souvent emmener les copains. Alors merci les 5 places de Zoé. Du 1er au 31 octobre, ne manquez pas le rendez-vous électrique dans le réseau Renault. Réservez dès maintenant votre essai au 30-23. Are you drunk or not? Now to judge what I'm doing.

Ça fait toujours plaisir d'aller faire un petit tour chez nos voisins les Bretons. C'était Mat Mata avec Lambé Andro. Retour en Normandie sur des routes plutôt fluides en ce mercredi après-midi. Rien à vous signaler de dangereux. Si vous, vous avez quoi que ce soit à nous dire, si vous êtes en voiture avec les enfants par exemple aujourd'hui et que vous croisez un radar, des embouteillages, vous nous appelez au 02 32 23 53 96. Bien sûr, on poursuit en musique avec Jonas Blue, le tout dernier. Et je vous ai même calé De Palmas. Papa. Ah, Thibaut, regarde, en ce moment avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, 50% réduction immédiate sur les céréales Coco Pops de Kellogg's. Ah, ça réveille. Du 2 au 13 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le paquet de céréales Coco Pops, Miel Pops ou Frosties de Kellogg's de 550 grammes avec 50% de réduction immédiate est à 1,37€ après réduction, soit 2,49€ le kilo. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. On retrouve Soyons Proactifs avec Cerise de Groupama. Et donc 2 ans plus tard, le propriétaire constate des micro-fissures sur sa façade. Oui, c'est ça. La fissure n'est pas généralisée. Et c'est justement ce type de problème qui ne relève pas de la garantie décennale classique. Tout à fait. Et c'est pour cette raison que chez Groupama, nous garantissons tous les désordres sur les ouvrages que vous réalisez, même les plus petits. Vous aidez à sécuriser votre activité et conserver la confiance de vos clients. C'est ça être mutualiste. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Info sur groupamapro.fr pour les conditions et limites des garanties se reporter au contrat. Et si vous passiez à la fibre pro Orange pour développer votre activité? Ben moi avec Orange, ils m'ont installé la fibre pro gratuitement à la pizzeria. Moi avec la fibre pro, j'envoie mes plans 3D aux clients super rapidement. Et moi quoi qu'il arrive, j'ai une solution immédiate pour rester joignable et connecté sans supplément. Même pas un petit supplément mozza? Avec Orange, bénéficiez d'un vrai accompagnement et de la performance de la fibre pro. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange, offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr en boutique ou au 3901. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue. Chérie, t'es où? Mes parents sont là. Ben, la quinzaine Fiat professionnelle. Tu plaisantes? Ça fait 2 heures que je t'attends. Mais il y a 1000 utilitaires disponibles immédiatement et 500 euros de carburant offert. Ah, ok. C'est tout? Bah, des véhicules disponibles immédiatement et 500 euros de carburant offert, mes parents peuvent attendre. Pendant la quinzaine Fiat professionnelle du 5 au 22 octobre, 500 euros en carte carburant offert pour toute commande et immatriculation d'un véhicule Fiat professionnelle. Offre jusqu'au 31 octobre chez les distributeurs participants. Détails sur le site Fiat professionnelle. Fiat professionnelle. Professionnel comme vous. La bonne idée débute pour un sommeil réparateur. On s'allonge, on bouge plus. Écoute la dame. En ce moment chez But, moins 50% sur l'oreiller à mémoire de forme Ergosoft Dreamea qui passe de 19,99€ à 9,99€ seulement. But, des prix et des idées tous les jours. Showroom privé présente un jupon en dentelle, une crème pour être belle, un canapé vert pomme, des sous-vêtements pour hommes, un sac à main de marque, un week-end à New York, des chaussons de bébé, une bouillotte de mémé. Showroom privé, c'est show. Il y a tout le temps ce qu'il me faut. Pour nos 12 ans, retrouvez chaque jour du 10 au 21 octobre une vente d'exception ainsi qu'une incroyable surprise. C'est votre anniversaire avec l'appli showroomprivé.com. Il est urgent de se faire plaisir. Bonjour. On m'a dit de vous dire que manger bio, oh, c'est vachement bon. Mais aussi, malin pour la planète. Voilà, comme ça, vous avez tout bon. Avec les produits laitiers bio, c'est bon d'être plus responsable. Vous encouragez le respect de l'environnement et tout est certifié. Lait, yaourt, fromage, beurre, crème. Les produits laitiers, c'est tellement bio. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Intermarché vous propose d'écouter l'arrivage du jour. Dès aujourd'hui, le filet de saumon est à 11,90€ le kilo. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à demain, chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Élevé en Norvège ou au Royaume-Uni, selon approvisionnement. Dimitri est professeur d'université. Comme il habite loin de son travail, il a impérativement besoin de sa voiture. Mais aujourd'hui, elle a disparu. Voilà pourquoi chez GMF, si votre voiture est détruite ou volée dans les 4 ans suivant sa date d'acquisition, elle sera remboursée au prix d'achat. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Et en ce moment chez GMF, 2 mois offerts la première année pour toute souscription d'un contrat d'assurance auto jusqu'au 30 novembre. Conditions de l'offre et du contrat Autopass sur gmf.fr ou en agence GMF. Cristal Verneuil-sur-Avre, 104 FM et en HD sur maradiocristal.com. Ça ne

Montant crédité sur votre compte Wahoo. Offre valable jusqu'à mardi. Voir conditions en magasin. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. La première hit radio en Normandie. Quand l'hiver se déplace seul sur les tables, que les traînes se prennent dans les bancs de sable, tu te lèves innocent, tu te couches coupable. Quand la raison s'étiole sous les nuits de cobalt, que la tension des corps devient palpable, tu te lèves vivant, tu te couches imbattable. J'ai tout vu, même rien qui ne te ressemble. J'ai tout vu, en apparence. Il y a d'autres vies, j'imagine des photos. J'ai raccroché la lune un lendemain de fête, puisé dans mes victoires, ma plus belle défaite. Ce soir nos différences dînent en tête à tête. Demain je ferai la même route en marche arrière, allongé sur le lit de notre rivière. Deux pièces sur les yeux, une perle sur les lèvres. J'ai tout vu, mais rien qui ne te ressemble. J'ai tout vu en apparence. Il y a d'autres vies, j'imagine des photos, tu n'apparais pas. Des âmes sœurs, des peaux compatibles, des plans B planqués sous leur drap. Mon plan A, mon plan A, mon plan A. J'ai tout vu, mais rien qui ne te ressemble. J'ai tout vu en apparence. Il y a d'autres vies, j'imagine des photos où tu n'apparais pas. Des âmes sœurs, des peaux compatibles, des plans B planqués sous leurs draps. Mais quand tu te balades dans tes jeans, souvent bien trop grand pour toi, j'ai beau. Je vais seulement récupérer mon plan A, mon plan A.

j'ai fui. Je suis parti pour mauvaise raison. Je suis parti loin de la maison. Et depuis, sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Palala, palala, palala, palala, palala, palala. Je me dis que toi aussi. Palala, palala, palala, palala, palala, palala. Je me dis que toi aussi. Même si c'est facile à dire, je sais, on essaye de se détendre tous ensemble en ce mercredi après-midi en musique avec Martin Selweg et Ariana Grande. Cristal avec Aurélie. Les experts montent au créneau pour réclamer des mesures immédiates pour l'environnement. La planète a beaucoup trop chaud. Alors est-ce que vous, dans votre quotidien, vous êtes prêts à en faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique? C'est notre question du jour et bah, pas trop de surprise pour le moment. En Normandie, vous êtes plutôt écolo à 93% des votes. C'est oui, hein. Mélanie Dufidler a déjà commencé chez elle la réduction des déchets, les produits qui sont faits maison. Si chacun fait un petit peu de tout ça, ça en fera déjà beaucoup. Pour Mumu, de Beaumont-le-Roger, ça reste dérisoire pour le moment, tant que les États continueront à préférer le business à l'écologie. Votre avis compte pour notre question du jour sur le Facebook de Cristal. Allez voter! Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Émilie, fleuriste? Tout inclus pour mon Kangoo, ça inclut vraiment tout? Oui, EasyLock Pro Plus est une location longue durée qui inclut tout l'entretien. Et en cas d'immobilisation? On vous prête un utilitaire de remplacement. Et tout équipé? Tout à fait. Nous avons près de 2000 Renault Kangoo Express Extra Air Link disponibles tout de suite. Pendant les jours boosters du 1er au 10 octobre, profitez d'offres exceptionnelles et d'un loyer offert. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession sur Renault.fr. Right now, I'm in a state of mind.

Le retour en musique avec Clean Bandit et les Maroon 5, ce sera dans quelques instants. D'abord, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La chanteuse Katy Perry arrête la musique. Enfin, elle fait plutôt une pause dans sa carrière de chanteuse pour se reposer et retrouver une santé mentale plus saine, hein, c'est ce qu'elle dit. Elle tourne depuis plus de 10 ans maintenant et elle a besoin de remettre les pieds sur terre. En revanche, elle envisage de faire carrière dans le cinéma. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elle part du monde de la musique en catimini? Une infotrafic à signaler. Contactez Cristal au 02 32 23 53 96. L'Oxam, exigez plus de la location. Je t'ai raconté mon dernier chantier ? Un parc à entretenir, en plein centre-ville. Tu vois plus contraignant ? Alors pour m'équiper, j'ai fait au plus sûr. L'Oxam, t'as du matériel espace vert plus pro, plus de conseils, et en plus, t'as de l'électrique. Pour un pro, avoir une gamme dédiée à son activité, c'est un vrai plus. Découvrez la gamme espace vert L'Oxam. Plus d'infos sur le nouveau L'Oxam.fr. L'Oxam. Exigez plus de la location. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron. Alors, t'es en Bretagne? Ah, presque, je suis chez Lidl. C'est la semaine des saveurs régionales. Et en ce moment, le gâteau breton, le Queen Amman Pure Beurre, est à 4,35€ les 400 grammes. Et inédit chez Lidl. 4,35€ le Queen Amman Pure Beurre. Oh, du Queen Amman, du Queen Amman. Oh bah, c'est bon patron, arrêtez de queener, je vous en ramène du Queen Amman. Bah, fais vite, hein, parce que là, je suis très mal. Et très mauvais comédien. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 10,88€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. La bonne idée bute pour un sommeil de qualité, c'est un très bon matelas Bultex à moitié prix. Ça calme comme une tisane. Vous n'aimez pas la tisane ? Prenez un matelas. Literie en folie en ce moment chez But. Moins 50% sur le matelas Deal Bultex 140 par 190 qui passe de 594 à 299,99€ seulement. But, des prix et des idées tous les jours. Laure dirige une entreprise d'électricité de 8 salariés. Demandez à Laure de vous installer un réseau électrique, c'est vraiment son affaire. Mais pour les appels d'offres, là, Laure manque de temps pour mettre son expertise en lumière. Heureusement, comme tous les artisans et entrepreneurs du bâtiment adhérent, elle peut compter sur la CAPEB pour la mettre en contact avec d'autres entreprises et constituer ses dossiers de qualification. Eh oui, chacun son truc. Rejoignez la CAPEB sur capeb.fr ou 09 70 835 836. Coût d'un appel local. CAPEB, vous conseillez, vous accompagnez, vous défendre. Allô, bonjour, je cherche une citadine pratique et compacte. Bonjour madame, je vous propose Fiat Panda à 5 990€. C'est une 5 portes ? Oui, 5 990€ avec 5 portes et climatisation. Génial, et elle bénéficie de la prime à la conversion ? Évidemment, et du bonus EcoFiat. Mais elle a combien de kilomètres ? Mais elle est neuve madame. Fiat Panda est à partir de 5 990€, prime gouvernementale et bonus EcoFiat déduit. Offre sous condition de reprise incluant la prime de conversion de 2 000€ et le bonus EcoFiat 2 000€ jusqu'au 31 octobre. Détails sur Fiat.fr, portes ouvertes ce week-end. Fiat. On retrouve Soyons Proactifs avec Cerise de Groupama. Alors Bruno, elle a l'air de bien tourner votre affaire. Oui Cerise, on est une super équipe. On n'a jamais eu d'aussi bons résultats. Bien sûr, j'aimerais qu'on en profite tous, moi y compris. Eh bien ce qu'il vous faut, c'est l'épargne salariale de Groupama qui permet de récompenser vos efforts en distribuant une prime à chacun. Tout le monde en profite. Peu de charges pour l'entreprise et pas d'impôts supplémentaires pour les bénéficiaires. C'est bien ça. Vous aider à motiver vos salariés, c'est aussi ça être assureur mutualiste. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Plus d'infos sur les solutions épargne salariale sur groupamapro.fr. La dernière fois, je mettais des mamelons, tu vois. Mmh. Et puis quand j'ai fini, je me rends compte que pour la suite, il me faut vite une cintreuse. Ah, pour les petits tubes. Ouais, heureusement, je m'en suis fait livrer une. Ah ouais, ouf. Si vous avez tout compris, c'est que nous parlons le même langage. Chez Kiloutou, nous comprenons les pros. Et c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui 96% à être satisfait de nos services. Kiloutou, parlons pro. Étude NIT réalisée en juillet 2017 sur un échantillon de 1200 clients Kiloutou. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les courses d'Anaïs qui changent, avec le nouveau programme de fidélité Auchan. Anaïs, pour te remercier de ta fidélité, Auchan en fait moins pour toi. Moins 10% sur la parapharmacie, les produits bio Auchan et les aliments bébés crédités sur ton compte Wahoo. Moins 5% sur une sélection de produits alimentaires et animaleries Auchan. Et même jusqu'à moins 50% sur les produits signalés. Auchan. Montant crédité sur votre compte Wahoo, voire modalité des offres et d'obtention de la carte en magasin et sur Auchan.fr. Conforama, le confort pour tous. En ce moment, chez Conforama, il y a jusqu'à moins 40% sur les cuisines. Oui, jusqu'à moins 40% sur tous les styles et tous les coloris. Pour enfin vous offrir la cuisine de vos rêves. Conforama, jusqu'au 19 novembre, conditions en magasin et sur Conforama.fr. Cristal Verneuil-sur-Avre, 104 FM et en HD sur maradiocristal.com.

this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. En ce mercredi après-midi avec Ed Sheeran, c'était Photographe. Le retour de la musique dans un très court instant avec Pink et Stromae. Vous écoutez Crystal avec Aurélie. Vous le savez, rire c'est bon pour la santé, mais rire à deux c'est encore mieux. Je vous offre donc deux places pour aller voir l'humoriste Olivier de Benoît demain au Tangram à Évreux. C'est à 19h40. Alors Olivier de Benoît, souvenez-vous, on l'a découvert sur France 2 dans l'émission On demande qu'à en rire, et on le voit encore sur la 2 aux côtés de Stéphane Bern cette fois. Pour aller le voir au Tangram d'Évreux, vous envoyez tout de suite Crystal au 72 800. Le midi sur Crystal, c'est pause déj. Allez, relais jeunesse. Cette semaine, remportez une trottinette électrique pour enfants grâce à la pause déj. Ils n'auront plus d'excuses pour ne pas vous accompagner pendant les balades en famille. Venez vous amuser chaque midi avec Aurélie. Midi 13h sur Crystal. Intermarché vous propose d'écouter l'arrivage du jour. Dès aujourd'hui, le filet de saumon est à 11,90€ le kilo. C'est ça, un prix producteur et commerçant, et c'est seulement jusqu'à demain, chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Élevé en Norvège ou Royaume-Uni, selon approvisionnement. Cet automne, c'est le dernier moment pour profiter du forfait 40 gigas à 10€ par mois chez Red by SFR. Ah ouais? Bah ouais, tu sais, l'automne, et bah c'est un peu comme l'été. Sauf qu'il fait deux fois plus froid, que t'es deux fois plus couvert, et que tu te lèves deux fois plus tôt. Ah! Mais tout a doublé ou quoi? Ouais, mais pas chez Red. Le forfait 40 gigas, c'est 10€ par mois, sans prix qui double au bout d'un an, sans engagement, et c'est seulement jusqu'au 15 octobre. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Rendez-vous vite sur redbysfr.fr. Le forfait 40 gigas, c'est 10€ par mois. Uniquement en France métropolitaine jusqu'au 15 octobre 2018 pour tout nouveau client.

Mais dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Être bronzé tout au long de l'année ou encore si vous aimez préparer votre peau avant de partir au soleil, eh bien les cabines UV, ça va être difficile d'en trouver en France puisque l'Agence nationale de sécurité sanitaire demande leur interdiction. On le sait déjà, ces UV artificiels sont dangereux pour notre santé et d'ailleurs sur les 3 dernières années, les cancers de la peau se sont malheureusement multipliés. Les dermatos ont déclenché la sonnette d'alarme pour la France. En tout cas, les pays comme le Brésil et l'Australie ont déjà interdit ces cabines UV, mais en même temps, on n'est pas au même level. On n'a pas le même taux d'ensoleillement qu'au Brésil, nous, ici en Normandie. Cristal, la minute emploi. Je suis avec Élodie de TT Évreux. Bonjour Élodie. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu as plusieurs offres à nous proposer. Je t'en prie, c'est à toi. En effet. Donc nous recherchons un technicien de laboratoire. Le poste est à pourvoir sur Évreux à temps plein. Vous avez un bac plus de chimie minimum et des connaissances en technique analytique. On recherche aussi et toujours des chauffeurs poids lourds, super poids lourds, de manière urgente, avec bien évidemment tous les documents liés à la conduite exigés, et des conditionneurs et des préparateurs de commandes. Voilà. Et si jamais on a besoin de plus de précisions au niveau de ces postes, on contacte qui ? Alors vous appelez directement l'agence au 02 32 35 93 46. Merci pour toutes ces précisions, Elodie. On te souhaite une bonne journée. Au revoir. La Minute Emploi à retrouver en podcast sur maradiocristal.com. Their dreams to fill their days. Inside their broken hearts they wait. The future's fire lights up the gray until the clouds all blow away. We got together. Si j'endosse l'écorce, je pense trop fort. On dit que sans masque, je vaux de l'or. J'amorce mon vol au-dessus du sol. Je saute dans le vide sans peur. Je vole avec vers demain, je veux ton amour dans mes mains. Je veux vivre ici, ailleurs. Je saute dans le vide sans peur, j'avance. There's nothing stronger than us if we can be as one. It's gonna be a new day, my dear. We'll leave these walls tonight to run. We've only just begun. No matter. Keep the outside looking in. You will be a surprise.